Coucou Tony, c'était pour te dire que j'ai trouvé ta chanson et c'est moi la seule qui l'ai likée, mais bon, elle est trop bien. Donc je comprends pas pourquoi les gens ils la likent pas, mais bon, au moins t'auras un like sur Marjolaine. Et puis bon, y a pas tout ton tube, mais c'est déjà ça. Bon, bah, à plus et hâte de te revoir. Bisous!